On va parler de tennis. Quelle semaine de tennis que nous avons eue cette semaine à Indian Wells. Si c'est pas terminé, Milos Raonic est actuellement demi-finale. Bianca Andreescu également. On en parle avec Caroline Delisle. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, quelle belle semaine de tennis. C'est le fun. Moi j'aime bien ça. Mais écoute, le tennis c'est pas mon sport favori, mais ça nous prend des. C'est quand même un sport que j'ai découvert avec Eugénie Bouchard, mais ça a baissé notre enthousiasme un peu depuis qu'Eugénie est moins bonne un peu. Mais Shapovalov avait remonté notre enthousiasme il y a 2 ans. Là, cette année, Bianca Andreescu est vraiment en feu. C'est vraiment. Écoute, on savait qu'elle avait beaucoup, beaucoup de talent. L'an dernier, c'est les blessures qui lui ont fait mal, mais cette année, quelle saison! Et c'est elle qui a le plus de victoires sur le circuit de la WTA, là. Oui, effectivement. Écoutez, on peut être fier de nos Canadiens, là, parce que quand on regarde ça, leur ascension est extraordinaire, là. Que ce soit, bon, Raonic, écoutez, ça fait quand même quelques années qu'il se maintient, là, dans les meilleurs. Il est encore 14e, ce qui est pas rien. Ensuite, on a Shapovalov, là, qu'on a vu, justement, là, il y a 2 ans à Montréal, puis, par la suite, a réussi à se hisser parmi les 25-30 meilleurs au monde. Là, on a Félix Auger-Aliassime aussi, là, qui suit un petit peu les traces de Shapovalov. Andreescu qui fait très bien. Écoutez, on l'a eu ici au Challenger Banque Nationale à l'automne. Et puis, bon, elle avait eu encore des problèmes récurrents au dos, ce qui a fait que, bon, elle a décidé de faire des plus petits tournois. Avec Tennis Canada, ils se sont assis, on dit, regardez, on va faire des tournois de moindre envergure pour lui permettre de jouer plus de matchs, puis se renforcer justement là, au niveau physique, au niveau de son dos et tout. Puis ben, je pense que ça a marché parce que là, après ce qu'on peut voir, c'est un peu ça leur plan de match. Là. Fait qu'ils voulaient éviter que justement elle joue trop des gros tournois puis qu'elle perde en première ronde. Fait que là, à ce moment-là, ben, elle ne peut jamais là, justement se développer un petit peu plus là, au niveau physique et tout. Et puis je pense que c'est très payant dans son cas. Là. Écoutez, on l'a vu en Nouvelle-Zélande qui a fait la finale en battant des très bonnes joueuses, bon, les anciennes numéro 1 mondiales. Puis là, ben ça continue. Hein. Ouais. Écoutez, c'est comme un rouleau compresseur. Là. Elle a fait des bouchées de certaines très bonnes joueuses classées du 8e, 20e au monde. Donc, écoutez, là, elle va jouer en demi-finale contre Stolina, qui est quand même 6e au monde. Ça, c'est pas facile. Mais quand on a la confiance, ça peut faire beaucoup de choses. Hein. C'est la même chose pour Félix Auger-Aliassime. Shapovalov, quand des jeunes comme ça montent dans le classement, puis qu'ils sont capables d'avoir une confiance en leurs moyens, ben écoutez, il n'y a plus de limite après, hein, on peut faire de très, très belles choses. Ah ouais, effectivement. Mais dans le cas d'Andreescu, écoute, je lisais des commentaires des gens, disaient, écoute, elle est dure à jouer contre. On sait pas que, on essaie des affaires, elle s'ajuste tout de même. C'est sa capacité d'adaptation qui rend que c'est difficile de jouer contre elle, là. Ben oui, écoutez, c'est une joueuse qui est très rapide. Elle a quand même beaucoup de variations au niveau de ses coups. Elle est capable de bien varier. Fait que c'est peut-être ça qui fait que les autres joueuses, des fois, ils vont avoir un peu de difficulté là, à jouer contre un style comme ça. Fait qu'elle est capable de changer le rythme, elle est capable de, bon, fait qu'elle peut monter au filet aussi à l'occasion, peut faire des slices. Fait que c'est sûr, ça peut être déroutant un petit peu de jouer contre quelqu'un comme ça, parce que quand on regarde dans le tennis féminin, ben souvent, il y a beaucoup de joueuses qui cognent, hein, ils cognent la balle, ils frappent fort. Ben, peut-être un peu moins de variété. Mais dans le cas d'Andreescu, je pense que ça joue en sa faveur. Là. Fait que c'est certain qu'elle est capable justement de s'ajuster à certains styles. Puis les autres filles ont peut-être un peu plus de difficulté à s'ajuster à son style à elle. Mais écoutez, hein, c'est sûr, elle commence sur le circuit, les autres joueuses vont apprendre à la connaître. Peut-être qu'il va y avoir des petits ajustements aussi là, à ce niveau-là. Hein. On l'a vu dans le temps avec Eugénie Bouchard qui avait connu une première année bon incroyable. Puis après ça, bon, faut dire que les joueuses apprenaient à la connaître, son style de jeu, ainsi de suite. Fait qu'il y en a peut-être qui ont fait des petits ajustements. Mais écoutez, Bianca, on peut être très, très fiers là, parce qu'écoutez, on pensait pas que ça allait aller aussi vite dans son cas. Ben là, 18 ans seulement. C'est la même âge que Eugénie Bouchard lorsqu'on l'a découvert. Là. C'est incroyable dans son cas. Puis ça a l'air d'une petite fille. Tu l'as connue un peu, Caroline, parce qu'elle est venue souvent à Ville-Saguenay. Ça a l'air d'une petite fille qui semble vraiment à sa place. Fait pas de vagues, elle fait sa petite affaire. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben écoutez, oui, là, c'est une jeune fille quand même qui est très, comment je pourrais dire, très attachante, elle a une belle personnalité. Elle aime ça avoir du plaisir, avoir du fun, dans le sens que, bon, puis elle se mélange bien avec les autres, tu sais, pour pas trop gêner, mais quand même à sa place. Fait que c'est sûr, c'est pas le même style que Eugénie, là, mais je veux dire, c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est le rôle aussi de Tennis Canada, puis de ses entraîneurs, de son entourage, de bien l'encadrer là, à ce niveau-là, pour pas justement, un peu comme Chapovalov, puis Félix Auger-Aliassime, hein, ils ont vraiment des gens là, qui vont les aider dans leur cheminement, puis qui vont leur donner des conseils et tout, parce qu'ils sont jeunes, hein. Fait que c'est certain qu'il faut pas là, qu'ils s'enflamment trop vite, puis qu'ils s'emballent trop vite. Bon, c'est sûr, tu peux connaître un, deux, trois bons tournois, mais quand on veut que ça dure, puis que ça dure plusieurs années, parce que, bon, ils rêvent tous hein, d'être classés parmi les meilleurs au monde, évidemment, mais ça, c'est le but de bien du monde. Fait que c'est certain que ça prend de l'aide là, à ce niveau-là, mais faut qu'elle garde les deux pieds sur terre, puis je pense avec un bon encadrement, ben ça va l'aider justement. Là. OK, on va y aller maintenant avec Raonic qui va jouer en demi-finale également. Ça aussi, c'est une belle surprise. Écoute, Djokovic est tombé. Est-ce que la finale, c'est possible dans son cas? Tout ben, est possible, c'est rendu possible là. Parce que là, il joue contre Tim. Il est, bon, dans les victoires des sept, il mène 2-0 contre Tim sur surface dure il y a une couple d'années, je crois, de ça. Fait que c'est sûr, ça veut rien dire dans le sens c'est un nouveau match, mais je veux dire, je pense que Raonic est quand même en confiance. Hier, il a peut-être pas connu son meilleur match au service, mais écoutez, il joue bien, hein, il joue solide. Hier, il a fait des échanges, là, c'était long, puis tu sais, c'est sûr qu'il a peut-être pas le style aussi flamboyant que nos deux jeunes là, qui montent dans le classement et tout, comme Chapovalov puis Auger-Aliassime, mais il a son style à lui. Puis bon, maintenant que ça marche, tant mieux. On peut pas tout avoir des joueurs du même style. Sûr, fait qu'il y en a que ça va plaire à certains, puis d'autres moins. Mais écoutez, on peut être fier de lui aussi, hein, parce que bon, déjà en demi-finale, c'est sa quatrième présence en demi-finale à Indian Wells. Fait que c'est un excellent joueur. Écoutez, on va espérer là, qu'il puisse justement là, remporter son match. Tout est possible, là, rendu là. Il y a beaucoup de favoris qui sont plus là. Donc bon, on va attendre. Il y a toujours Nadal, Federer et ainsi de suite, mais je veux dire, il y a quand même des bons joueurs qui ont été éliminés. Donc on va voir là. C'est sûr que Tim va être frais et dispo parce que lui il a gagné son match par forfait contre Gaël, mon fils. Mais c'est sûr que ça joue sur le terrain. C'est qu'on va attendre de voir la suite. Hein. OK. Dis-moi si on parlait maintenant de Félix Auger-Aliassime encore. Lui aussi encore une belle semaine. Lui il a battu, écoute, c'est quoi? C'est le 20e, c'est-tu la 20e? Non, c'est pas la 20e raquette, mais il avait battu une raquette quand même à quelques raquettes. Il a battu, Tsitsipas, là, le Grec. Ouais, Tsitsipas, 10e, je pense. Qui est classé, dans les 10 meilleurs. Ouais. Donc, ça, c'est certain que ça, c'est tous des matchs hein, qui vont lui donner beaucoup de confiance. Malheureusement, bon, il a perdu son match d'après sur, je pense qu'il aurait pu gagner, mais il a peut-être été un petit peu nerveux. C'est un match un peu en dents de scie, là, avec il servait bien dans le premier set, après ça, moins bien dans le deuxième, plus de fautes directes. Mais il va apprendre. Écoutez, il est tellement jeune, puis tu sais, c'est sûr, on en demande beaucoup, hein. On veut toujours que, le mieux, hein, on veut qu'il gagne, on veut aussi, on se force, on prend pour eux autres, mais faut aussi accepter que ça sera pas toujours parfait. Donc, c'est ce qu'on a vu lors de son dernier match. Par contre, son match contre Tsitsipas, ce match-là était presque parfait. Donc, écoutez, c'est très difficile là, de toujours être au top puis de toujours se maintenir, là, puis jouer du tennis là, exemplaire. Mais on peut être fier parce qu'on a tous que des athlètes, là. Félix Auger-Aliassime, on le voit hein, dans sa prestance sur le terrain, il est concentré, il est focus, c'est un excellent athlète, il bouge bien. En tout cas, disons qu'il y a beaucoup d'atouts, fait quand il va être capable de tout mettre ça ensemble vraiment, ben là, ça va donner de très, très belles choses. OK. On s'en reparle, Caroline, bientôt. Si un des deux joueurs ou joueuses qui sont en finale et gagne le Indian Wells, je te rappelle lundi. Parfait, il n'y a pas de problème. Notre amie Caroline Delisle qui analysait la belle semaine de tennis que nous avons actuellement à Indian Wells.